La route du petit chien jaune de Rachel de Caro. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BYNCND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Lue par Christiane Johan. La route du petit chien jaune. Il est une petite route en plein cœur de la ville où, sans nul doute, la vie est encore tranquille. L'herbe folle des talus grignote la chaussée défoncée et les tours de béton nus n'ombragent pas les vieux pruniers. Au détour d'une pente qui s'accentue sous les pas, avec sa démarche hésitante, le petit chien jaune paraîtra. Il est à l'image de cette route d'antan, assagi par l'âge, tous deux ont le pas lent. Il est vieux, il est laid, au poil ras et miteux, depuis longtemps sans reflet d'un jaune sale et affreux. Dans ses yeux tristes, de chien trop battu, toutefois une lueur subsiste de la jeunesse disparue. Il est tendresse et fidélité, cette petite route lui ressemble, vestige frêle du passé, ils ont vécu et mourront ensemble. Ici se termine La route du petit chien jaune de Rachel de Caro.